franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Maurice Chevalier. Jacques Chancel. On ne vous raconte plus, Maurice Chevalier. Vous êtes un monument, la Tour Eiffel, mais fait d'un autre matériau, de marbre ou, si vous préférez, de vieilles pierres, de pierres de taille. On vous a tellement encensé, couvert de tant de lauriers, glorifié, magnifié, que je suis tenté de vous égratigner un peu et de grignoter tous vos petits défauts. Et tout d'abord, Maurice Chevalier, est-ce que vous en avez des défauts ? Oui, parbleu. Parbleu, je tiens pas tellement à en parler, vous comprenez, mais je les connais. Ils sont graves ? Ben, ils sont toujours assez graves. Tous les défauts sont toujours assez graves. Mais enfin, j'ai encore jamais ni assassiné mes parents, ni volé mes bienfaiteurs, n'est-ce pas ? Le grave petit défaut, alors ? Le petit défaut, c'est peut-être de ne jamais prendre les choses trop comme définitives, vous comprenez ? De garder un genre de doute, un genre de petite angoisse dans tout ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Maurice Chevalier, parce que vous êtes grand, illustre et aussi connu que le général de Gaulle partout dans le monde, vous avez votre place dans les archives biographiques contemporaines. Et je lis, à la page 854, et je ne change pas un mot. Je tremble. Marie-Auguste Chevalier, le plus grand nom sans doute de l'histoire du music-hall français, est né à Paris le 12 septembre 1888. Neuvième enfant d'une modeste passementière et d'un peintre en bâtiment, il doit, dès le certificat d'études, entrer en apprentissage afin d'aider sa mère, seule après l'abandon de son mari. Véritable poulebot de Ménilmontant, le jeune homme est tour à tour employé chez un menuisier, un électricien, un imprimeur, un droguiste, un graveur, puis un fabricant de poupées. Mais son rêve est de devenir acrobate. Il monte avec son frère Paul un numéro qu'il ne réussit pas cependant à mettre au point. Il se tourne alors vers la chanson. Et en décembre 1912, il débute, sans succès d'ailleurs, au CAFCONS Les Trois Lions, sous le nom du Petit Chevalier, comique miniature. Ah, est-ce bien attendez, cela? Là, il y a une erreur. Moi, j'ai débuté bien avant 1912. J'ai débuté, je crois, en 1900 comme professionnel, quand j'avais 12 ans. Et c'est là où j'ai commencé, enfin, à d'abord gagner ma soupe et à être payé très modestement, mais enfin, j'ai commencé à être professionnel vraiment en 1900. Vous voyez, il y a déjà une erreur dans la biographie. Il faudra vérifier tout ça. En 1912, je travaillais déjà depuis 12 ans en 1912. J'étais déjà devenu d'abord vedette dans les quartiers de Paris à l'âge de 17 ans, 18 ans. À l'âge de 20 ans, j'étais engagé comme vedette aux Folies Bergères de cette époque-là, dans les grandes revues de P.L. Flers. Et alors, en 1912, j'avais déjà fait 4 ans aux Folies Bergères, 4 ans aux Ambassadeurs, comme vedette, et à l'Alcazar d'été. Et je débutais à la Cigale, dans des revues où il y avait toujours une grande vedette, qui était soit Régine Abadès, soit Régine Flory, soit Max Deharly. Et dans la troupe, sous moi, je suis très fier de le dire, il y avait déjà un gars qui s'appelait Rému et qui arrivait du midi avec un talent immense qui devait se célébrer par la suite. Alors vous voyez qu'en 1912, j'avais déjà fait pas mal de... Travail. De travail et de scènes et, de, et d'endroits différents et de chansons différentes et tout ça. Maurice Chevalier, on va oublier le passé, on y reviendra peut-être au courant de la conversation, mais ce qui est merveilleux avec vous, c'est qu'on peut parler de l'avenir. Ah oui, oui, oui. Maurice Chevalier, vous avez 82 ans, bientôt. Je suis dans ma 82e année, où j'aurai vraiment ce qu'on appelle 82 ans passés le 12 septembre prochain. Est-il difficile d'être si jeune à 82 ans ? Ben ça, vous savez, je pense pas que ce soit la qualité d'un homme qui le fait rester jeune ou pas jeune. Je crois que c'est le genre de sang qu'il doit avoir de ses parents, de sa mère surtout, n'est-ce pas, qui est dans mon cas, qui fait qu'on reste plus ou moins jeune. Personne n'est jeune dans sa 82e année, vous pensez bien. Mais enfin, on peut être plus ou moins... abîmé, plus ou moins usé par la vie, par le travail, par les soucis, par les joies, par les chagrins, par tout ça. Le fait d'être encore assez jeune et d'être encore assez frais, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que je sais bien dans le fond que je suis pas frais du tout, mais enfin je suis plus frais que certains gars de 82 ans que je vois vivre des fois autour de moi, n'est-ce pas ? Eh ben je pense que si on a la chance d'être encore assez frais, ben c'est qu'on a conservé probablement de sa jeunesse, de ses racines, quelque chose qui n'a pas voulu s'abîmer complètement et qu'on a le bonheur alors à cet âge-là d'essayer de rejoindre. Maurice Chevalier, je vous ai vu l'autre soir sur la scène de l'Alcazar, vous présentiez Duke Ellington pour ses 70 ans et on a tous eu l'impression que c'était une résurrection. Vous étiez sur la scène et vous donniez l'impression d'avoir retrouvé à la fois une terre conquise depuis longtemps et un public qui ne vous a jamais lâché. Ben vous savez, quand vous avez fait un métier pendant 68 ans et que vous l'avez adoré et que vous n'avez vécu que pour ça, ben il est évident que si vous ne voulez pas abîmer la terminaison, vous arrêtez, si vous avez les moyens de pouvoir le faire, n'est-ce pas ? Mais il est évident que chaque fois qu'il y aura une raison importante pour que je vienne soit présenter quelqu'un, soit souhaiter l'anniversaire d'un grand bonhomme que j'aurais connu à l'étranger ou même en France, et ben je le ferai avec joie quand je penserai que c'est juste de le faire. Je ne veux pas me précipiter sur le projecteur, je ne veux pas accepter tout ce qu'on me propose de comme télévision ou comme radio, parce que je finirai par ennuyer les gens, et je n'y tiens aucunement. Mais chaque fois que je penserai que c'est bien de le faire, chaque fois que je penserai que ça ne me fait pas avoir l'air de courir après le projecteur, je le ferai, parce que ce soir-là, c'était de tout mon cœur que je souhaitais ça à cet homme-là. Vous comprenez ? Vous connaissez notre histoire, non ? Non. Ah, ben, avec Duke Ellington, c'était en 1929. J'étais numéro un à Hollywood après deux ou trois films avec Ernst Lubitsch, et on m'avait demandé de chanter à Broadway pour quelques semaines. Et alors, à ce moment-là, je n'avais pas encore créé le récital total, n'est-ce pas, le one-man show. Je ne chantais en principe que pendant une partie. Alors, j'avais demandé qu'est-ce que vous pensez qu'on va mettre en première partie. Alors, d'abord, il avait été question de mettre un grand orchestre de jazz de l'époque, ou celui-ci ou celui-là, et quelqu'un se mit à parler de Duke Ellington, qui était un noir, qui était à Harlem, et qui jouait au Cotton Club, et dont tout Broadway parlait et allait voir là-bas. Il avait déjà paru dans des spectacles de musical au Palace, mais enfin, il n'avait jamais paru en récital. Alors je suis allé le voir, je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai dit, ben, je crois que c'est lui qu'il faut tâcher de mettre avec moi dans mon spectacle. Alors, il avait fait la première partie, lui, sur la scène, et pour la deuxième partie, il descendait dans la fosse d'orchestre pour m'accompagner, moi. Jamais il n'avait fait ça dans Broadway. En somme, c'était déjà un genre de début d'intégration, n'est-ce pas ? Et ça avait été un tel succès que personne n'a pu trouver de place. Tout l'engagement a été loué, ça a été extraordinaire, et c'est curieux. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ça qui l'a fait s'envoler vers la légende, n'est-ce pas ? Mais en tous les cas, c'est tout de même la première fois qu'il paraissait dans Broadway, et c'est tout de même après cette série de représentations avec moi que tout d'un coup, il s'est envolé et qu'il est devenu international et qu'il est devenu Duke Ellington, qui est maintenant une légende et une légende bien méritée. Maurice Chevalier, vous parlez de l'Amérique et justement, tout récemment, l'Amérique s'est un peu émue à votre sujet. Ah oui, oui, mais pas tout récemment, c'est hier. C'est-à-dire cette nuit à 3h du matin, ils ont réveillé ma maison au téléphone, téléphonant d'Amérique, pour demander si c'était bien vrai que j'étais mort. Alors chez moi, ils ont répondu, ils n'ont même pas voulu me déranger. Ils ont répondu, mais non, Maurice était très bien portant, il est en train de dormir dans sa chambre, on ne veut pas le déranger pour une nouvelle comme ça, mais enfin. Et moi, ce matin, alors, on m'a téléphoné de United Press pour me demander d'où je pensais que des nouvelles comme ça pouvaient venir. Et j'ai répondu d'abord que c'était à peu près la 12e fois que ça m'arrivait, qu'au moins 12 fois on a raconté que j'étais mort. Et que cette fois-ci, j'étais pas plus mort que les autres fois, que je pensais que les nouvelles de ma mort étaient très, très prématurées, n'est-ce pas? Que j'étais très, très bien vivant et si bien vivant que même je commençais une deuxième carrière dans l'écriture et que j'étais certain que dans l'écriture, je pouvais encore faire de grands progrès, tandis que dans mon ancien métier sur scène, je ne pouvais plus que commencer probablement à aller à la descente. Maurice Chevalier, dans votre vie tellement riche, vous avez eu de la chance ou seulement du génie? Non, j'ai aucun génie. Je pense que j'ai une bonne étoile, oui. Toujours les choses qui semblaient devoir arriver pour me faire du mal ont, par la suite, été des choses qu'il était bien qu'il arrive, des choses heureuses. C'est-à-dire que ça arrangeait encore mieux ce qui m'arrivait par la suite. Une bonne étoile. Maintenant, les histoires de génie, je ne crois pas au génie. Je crois à devenir d'abord un ouvrier, à essayer de devenir un artisan. Et quand vous arrivez à être un artisan, alors à progresser tous les jours d'un millimètre peut-être dans ce que vous savez faire de mieux. Et alors vous arrivez tout de même à être en tête. Vous comprenez? Mais le génie, vous savez, c'est un gros mot. Maurice Chevalier, vous avez eu tout ce qu'un homme peut désirer, mais au milieu de tout cela, est-ce que vous avez eu le vrai bonheur? Oui, j'ai eu des vrais bonheurs. Vraiment, je n'ai rien à regretter dans ce qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai eu des bonheurs extraordinaires professionnels. J'ai eu des bonheurs très émouvants dans l'amour, dans les femmes que j'ai pu rencontrer, dans les femmes avec qui j'ai pu avoir des moments de passion et de tendresse. Non, je pense que j'ai été très heureux. Il ne m'est pas arrivé... Ce qui me manque un tout petit peu maintenant, il ne m'est pas arrivé d'avoir eu le bonheur d'épouser une femme. J'ai été marié, mais ça n'a pas marché très très longtemps. C'était probablement de ma faute. Et je n'ai jamais trouvé une femme avec qui je puisse m'entendre du côté attraction humaine, n'est-ce pas? Et en même temps du côté raisonnement, du côté intelligence. C'est-à-dire que j'aurais aimé à ce moment-ci de ma vie... Réellement, avoir une personne avec qui... Une compagne. Une compagne avec qui j'étais certain qu'elle avait été celle qui m'avait tout de même le mieux aimé dans tout ce que j'ai connu. Ça me manque un peu maintenant, mais ça peut encore arriver, on ne sait jamais. Vous n'êtes pas, ou vous ne seriez pas plutôt un mari difficile? Ben oui, je ne dois pas être facile. Je ne dois pas être facile parce que j'ai un colossal besoin d'indépendance. J'étais indépendant toute ma vie parce que je faisais un métier d'indépendance, comprenez-vous? Je travaillais seul. Je gagnais ma vie seul, je n'avais besoin de personne, je n'avais pas besoin de me mettre à genoux devant personne. Et ça m'a donné une nécessité d'indépendance. J'ai besoin de plusieurs heures de solitude dans la journée parce que c'est là où les choses se placent dans ma tête. Et si j'étais obligé tout d'un coup de passer ce temps-là même avec une femme que j'aimerais, alors je commencerais pour un moment à ne pas l'aimer. Vous comprenez? Mais il y a tout de même des moments où un homme... d'une tendresse féminine, parce que la vie sans cela pour un homme est tout de même sèche. Maurice Chevalier, j'ai l'impression que votre plus grande chance, qui est en même temps votre meilleure qualité, c'est de ne pas avoir su abuser, justement, de cette réussite. Ben, vous savez, j'ai toujours gardé de Ménilmontant un complexe un peu d'infériorité, n'est-ce pas? Un complexe d'avoir manqué beaucoup de culture, d'avoir manqué beaucoup d'éducation et tout ça. Il a fallu que j'apprenne tout petit à petit dans la vie à force de situations embarrassantes ou à force de réussite. Il a fallu que je regarde beaucoup pour me nourrir moi-même de, de ce qui m'avait manqué à l'école ou au collège, n'est-ce pas ? Ça m'a toujours donné une modestie très très authentique derrière ma façon de chanter le soleil, de chanter l'amour, de chanter le travail, de chanter le rire, de chanter à ce moment-là, on appelait ça la joie de vivre. C'est difficile maintenant de parler de joie de vivre, parce que qui est-ce qui a la joie de vivre dans l'époque que nous traversons ? Mais on peut conserver le goût de vivre. Et le goût de vivre, je vous assure que même maintenant, à 82 ans, je l'ai encore, et je voudrais justement, dans ce que j'écrirai, amener dans mes livres, car je m'inspire fatalement de ce qui a été mon contact avec le public sur la scène, je voudrais amener dans mes livres le goût de vivre, aussi bien pour les jeunes, pour faire comprendre aux jeunes qu'il vaut mieux avoir une vie longue et passionnante que d'avoir une vie trop bouillonnante et trop courte, n'est-ce pas ? Je pense que la vie mérite d'être vécue, et que même à 82 ans, ben, si on ne demande pas des choses extraordinaires et impossibles à la vie, on trouve encore des passages très émouvants et très touchants et très très enthousiasmants même à 82 ans. Et c'est ce que je voudrais faire comprendre à toutes les générations, parce que je sais bien qu'en parlant comme je parle, je suis contre les vents actuels. Mais dans le fin fond, quand je regarde tout ce qui m'est arrivé depuis l'âge de 12 ans, j'ai presque toujours été contre tous les vents qui s'appelaient les modes, qui s'appelaient les vogues, qui s'appelaient tout ça. En somme, je crois que j'ai duré si longtemps parce que j'étais moi-même et que je ne cherchais pas à avoir l'air d'être autre chose que moi-même, et que c'est ça probablement qui me faisait toucher des fois l'affection du public, n'est-ce pas, et quelquefois leur cœur. On écoute un disque, Maurice Chevalier. Si vous voulez, avec plaisir. J'ai choisi pour vous Mon Homme, Miss Tinguette. Ça vous plaît ? C'est elle qui chante ou quelqu'un d'autre ? Vous allez voir. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est bon, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, chant qu'il me ferait venir infâme. Mais je ne suis qu'une femme, et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ça, comment te faire d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher, tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu. Rien à faire, j'ai pas pu quand il me dit viens. Je suis comme un chien, y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas connu aussi ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme s'en donne à l'homme qu'elle a dans la peau. Maurice Chevalier, j'ai vu que vous étiez ému, ça vous rappelle de tendres souvenirs. Oui, oui, oui, elle a dû créer ça, la Miss, vers 1918-19, je crois, juste après la première guerre. Et vraiment, plus je l'entends comme ça, et plus je l'aperçois des fois dans des télévisions où ils ont retrouvé d'anciennes soirées où elle avait chanté, je me rends compte, en repensant à cette époque-là, que cette femme-là était une personnalité extraordinaire, n'est-ce pas ? C'était une femme électrique, comprenez-vous. Elle était plus que belle. Elle était totalement désirable, elle était totalement attrayante, elle plaisait aussi bien au bout de la galerie qu'aux gens des premiers fauteuils. Elle avait une nature, enfin, elle était d'une telle matière que, pour dire la vérité, s'il sortait une nouvelle mistinguette maintenant, qui est le même abattage, qui aime le même genre de personnalité, ben j'ai absolument l'impression qu'elle reprendrait la tête immédiatement, parce que presque toutes les autres femmes, à côté de ce gabarit-là, font un peu poids léger, vous comprenez ? Maurice Chevalier, Miss Tinguette, est-ce la femme que vous avez le plus aimée ? C'est avec Miss Tinguette que notre histoire a été la plus ronde, parce que j'ai eu pas mal de passion par la suite pour des femmes qui méritaient très très bien qu'on soit passionnément amoureux d'elle, n'est-ce pas ? Mais elle, je l'ai connue justement quand j'étais jeune vedette, vers les 20 ans, aux Folies Bergères. Et je la connaissais, moi, Miss Tinguette, je l'avais vue quand j'étais tout enfant, quand je montais à la galerie à l'Eldorado. Les places étaient à 10 sous, c'était même pas à 20 sous, c'était à 10 sous. Et de là-haut, à cette époque-là, elle chantait, elle avait déjà une électricité extraordinaire et était très, très désirable. Je me rappelle l'avoir attendue à la sortie des artistes du Faubourg Saint-Martin. Alors, non, pas avec des fleurs. J'avais pas les moyens d'acheter des fleurs. Mais en la regardant, en la dévorant et en rêvant quand j'avais 13 ou 14 ans, n'est-ce pas? Et alors, quand tout d'un coup, je suis arrivé aux Folies Bergères un jour, je l'ai rencontrée à l'Alhambra, je me rappelle, nous étions dans une loge, séparés, mais à côté l'un de l'autre. Et en me penchant, tout d'un coup, j'aperçois que c'est Miss Tinguette, qui était dans la loge à côté. Là, j'avais 21 ans, 22 ans, et j'avais conservé mon vieux béguin pour elle, n'est-ce pas ? Et en la saluant, je lui dis, vous savez, madame, que c'est moi qui vais être votre partenaire dans la revue que vous venez jouer aux Folies Bergères la saison prochaine. Elle me dit, oui, chevalier, je sais, je suis très heureuse de cela. Alors je lui ai raconté que j'étais amoureux d'elle depuis l'âge de 13 ou 14 ans pour la faire rire, n'est-ce pas ? Ça n'a pas eu l'air de l'émouvoir, mais enfin, ça l'a tout de même un peu touchée. Et puis alors, quand nous avons commencé à travailler ensemble, tout d'un coup, alors, les choses se sont vite déclenchées. Et je crois que pour moi, ça a été l'amour le plus rond, c'est-à-dire qu'en même temps, qu'elle était une maîtresse que j'adorais, n'est-ce pas, physiquement. Elle avait un genre de sentiment de vraie femme, un tout petit peu maternelle, comme une vraie femme doit être, n'est-ce pas ? Et ça, je ne l'avais jamais eu avant. Et pendant toute une époque, je dois dire qu'elle a été absolument extraordinaire avec moi, et que même quand je suis parti à la première guerre, que j'étais blessé, que j'étais prisonnier, eh ben, elle avait toujours été épatante. Elle m'envoyait des mandats de 20 francs chaque semaine. Vous savez, un prisonnier avec 20 francs de cette époque-là, il était riche. Et elle s'était occupée de maman pendant toute mon absence. Et quand je suis revenu, j'ai tenu à rembourser tout ce qu'elle avait dépensé pour ma mère. J'avais des économies, déjà. J'ai tenu à rembourser tout. J'ai remboursé tous les mandats qu'elle m'avait envoyés. Et nous sommes repartis de là pour la vie qui venait. Et la vie qui venait ne devait pas être professionnellement bénéfique pour nous, parce que il s'est très vite produit que, sans chercher à la combattre sur scène, il s'est très vite produit que j'étais en train de monter et qu'elle n'était plus en train de monter, mais était en train de ne plus monter. Alors à partir de ce moment-là, Il y a eu quelque chose dans elle qui... La cassure. Une cassure, parce que je pense qu'elle aimait sa carrière bien avant son homme, qu'elle chantait pourtant merveilleusement. Maurice Chevalier, est-ce la femme que vous auriez pu épouser ? Ah oui. Il y avait une grande différence d'âge entre nous, déjà. Il y avait 15 ou 18 ans de différence entre nous. Mais indiscutablement, s'il n'y avait pas eu ce côté professionnel qui tout d'un coup l'a fait mal me voir, n'est-ce pas ? Eh bien, je pense que j'aurais pu rester, pas fidèle, mais certainement profondément tendre avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Maurice Chevalier, vous plaisiez terriblement aux femmes. Vous ne pensez pas que vous en avez un peu abusé ? Non, je crois pas. Non. D'abord, j'ai pas plu beaucoup plus que les autres. Vous savez, j'ai eu la chance qu'il m'arrive des aventures merveilleuses, mais ça, je pense que ça arrive à presque tous les artistes qui sont populaires, qui ont du succès. Mais enfin, j'ai jamais passé pour un Don Juan, comprenez-vous ? Je ne jouais pas au Don Juan. À Playboy. Quoique, remarquez que quand je regarde maintenant les photos de moi à cette époque-là, et que je les compare à certaines photos de vedettes de maintenant, ben, je pense que j'étais vraiment pas mal du tout comme physique. Enfin, j'étais aimable, j'étais souriant, j'étais grand, j'étais un petit peu du genre de classe de Parisien comme Carpentier. Vous comprenez, c'était la même génération. Lui était un grand boxeur, moi j'étais déjà très populaire, et nous nous habillions déjà chez les mêmes grands tailleurs. Déjà nous allions nous chapeauter chez Willoughby, là, de rue Castiglione, qui avait tous les chapeaux de chez Locke de Londres. Enfin, déjà nous savions nous habiller tous les deux. Toujours coquet d'ailleurs. Oui, je trouve même que mes années de pauvreté étant gosse m'ont fait apprécier par la suite d'avoir un bon par-dessus, d'avoir un costume de belle coupe, un costume de belle étoffe écossaise ou quelque chose comme ça. Pendant un moment même, j'étais un peu excentrique dans ma manière de m'habiller, et par la suite j'ai compris tout de même qu'il fallait un petit peu doser ça, et qu'il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, que Brummel, lui, était l'homme le mieux habillé du monde, et paraît-il le plus discret du monde dans ses façons de s'habiller. Alors j'en ai pris un petit peu pour mon grade avec ça. L'élégance est celle qu'on ne remarque jamais. Pas trop, en tous les cas. Maurice Chevalier, à quel âge avez-vous pensé qu'il valait mieux rompre avec les femmes ? Avec les femmes ? Oui, c'est-à-dire les aventures et ceci, oui. Ben, je crois que après 60 ans, j'ai compris qu'il ne fallait plus que je joue à ça. Que je finirais par me faire envelopper. Vous avez dit jouer, hein, c'était un jeu alors. Ben oui, c'est le plus beau jeu que le bon Dieu permet aux hommes, n'est-ce pas ? Et j'ai pensé qu'à partir de ce moment-là, je devenais trop vulnérable et qu'il fallait que je fasse bien attention où je mettais mes lèvres, si j'ose dire. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça, je sentais n'avoir plus autant de force et de combativité que quelques années avant. À partir de ce moment-là, j'ai commencé réellement à faire très attention à ne pas tomber sérieusement amoureux. Vous pouvez tout dire, vous pouvez même mentir. Jamais quelqu'un ne viendra vous dire, une ancienne maîtresse par exemple, ça n'était pas tout à fait ça. Non, d'abord, je n'ai jamais parlé d'aucune ancienne maîtresse en précisant les choses. Je n'ai jamais rien précis, je laisse croire que c'était une espèce d'affection, une espèce de tendresse. Vous êtes très délicat et aucune, très discret. Ben, je pense que quoi, un homme ne doit pas être un mufle tout de même. Et puis que, quand les choses ont été trop bruyantes comme liaison, eh ben, il peut en parler sans faire de mal à personne, puisque c'est une chose connue, mais en même temps, il peut même laisser, pour ceux qui n'étaient pas au courant, croire que ça n'était qu'une grande affection, une grande amitié. Non, je pense pas... Ça n'est pas mentir, ça. C'est simplement ne pas être un salaud, vous comprenez ? Non, mais je mens le moins possible. Je ne dis pas toujours les choses aussi aiguës qu'elles peuvent arriver, quand je pense que ça n'est pas nécessaire de les dire. Mais je ne dis pas la chose exactement saignante comme elle arrive, si je pense que je ne dois pas le faire. Mais je ne mens jamais, je ne raconte pas d'histoire, parce que justement... C'est ma différence avec tous les autres écrivains, c'est que la plupart des autres écrivains écrivent des choses qui ne sont pas arrivées. Moi, tout ce que j'ai écrit, c'est arrivé. C'est pas du tout de la fiction, c'est pas du tout du rêve, c'est pas du roman, c'est arrivé. Et c'est dans ce sens-là, justement, que je veux continuer à écrire. Je pense que la plus belle histoire que je puisse écrire n'est pas du tout d'écrire une pièce ou un roman. Je pense que la plus belle histoire que je puisse écrire, c'est l'histoire de ce petit pauvre de faubourg qui a réussi à pouvoir faire ce que j'ai eu le bonheur de faire et ce que je pense être en train de réussir maintenant, justement pour continuer à accomplir l'histoire d'un enfant de faubourg qui a pu arriver à ça. Mais je ne tiens pas du tout à devenir un enfant de faubourg qui devient président de la République ou un truc comme ça, vous comprenez. Tout mon histoire à moi, c'est que mon histoire d'enfant de faubourg reste belle, reste authentique et soit la plus belle histoire d'enfant de faubourg que j'aurais connue dans ma profession. Vous parlez de président de la République, mais il est d'autres honneurs qui vous sont permis. C'est une chose qui a été dite par des gens éminents. On a parlé de vous pour l'Académie française. Ah ben évidemment, remarquez, j'avais jamais pensé à ça. Parce que moi, pour moi, l'Académie française, c'était les plus grands cerveaux de France, n'est-ce pas? Et je ne me suis jamais considéré comme un grand cerveau. Je me suis considéré comme un petit bonhomme qui a fait de son mieux avec ce que le bon Dieu lui avait donné comme possibilité, n'est-ce pas? Mais dès qu'on m'a dit, et ça m'a été dit par des académiciens, et des académiciens parmi les plus talentueux. Parlons de Marcel Pagnol. Dès qu'on m'a dit, Pagnol, qui est un grand ami à moi et que j'admire depuis longtemps, il m'a été dit qu'il y avait des statuts qui étaient très précis, que toute personne qui pouvait devenir un exemple dans son métier, que ce soit dans tel métier ou tel métier, et porter dans une partie du monde entier la grâce et l'honneur de son pays, méritait d'être de l'Académie française. C'est dans les statuts. C'est pourquoi vous avez des professeurs qui ne sont pas des écrivains tout à fait. Des cinéastes. Vous avez un cinéaste comme René Clair qui est un maître dans le cinéma, mais qui n'est pas un maître écrivain, n'est-ce pas? Et alors, je ne vous cache pas que si tout d'un coup ce genre d'honneur-là m'arrivait, ben, ce serait, je pense, considérant que maintenant je concentre tout sur l'écriture, eh ben, ce serait pour moi la plus belle récompense que mon pays pourrait me donner. Le couronnement? Oui, le couronnement d'une deuxième carrière, d'une deuxième chose qui même ouvrirait les portes à d'autres de mon genre pour la suite des temps. Maurice Chevalier, on vous écoute. Wonderful, oh it's wonderful to be in love with you. Beautiful, you're so beautiful, you haunt me all day through. Every little breeze seems to whisper Louise, birds in the trees seem to twitter Louise. Each little rose tells me it knows I love you, love you. Every little beat that I feel in my heart seems to repeat what I felt at the start. Each little sigh tells me that I adore you, Louise. Just to see and hear you is joy I never knew. But to be so near you thrills me through and through. Anyone can see why I wanted your kiss. It had to be, but the wonder is this. Can it be true? Someone like you could love me, Louise. Maurice Chevalier, vous parlez très bien anglais. Ben, c'est-à-dire que on me comprend, comprenez-vous? Il y en a peut-être qui le parlent mieux, qui parlent en essayant d'être plus près de la manière dont parlent les Anglais ou les Américains, mais on ne les comprend pas très bien. Pas toujours. Tandis que moi, j'ai toujours été habitué sur la scène à devoir être compris, comprenez-vous, avant qu'il existe des micros, avant qu'il existe des choses comme ça. Et alors j'ai toujours fait attention à être absolument compris. Et c'est ce qui arrive avec quand je parle anglais, il paraît que j'ai un accent qui est tout à fait à moi et qui n'est pas le même accent que les autres Français qui parlent anglais. Mais vous savez comment je l'ai appris? C'est pourquoi c'est pour montrer, c'est ça qui peut aider des jeunes. N'est-ce pas, j'étais prisonnier à la première guerre, blessé, prisonnier, même croix de guerre. Et pendant ma captivité, je me demandais ce que j'allais faire. Et je me suis dit, tiens, je vais apprendre l'anglais. J'avais toujours été chippé pour cette langue-là. J'avais entendu aux Folies Bergères des artistes anglais, des artistes américains, des Girls, tout ça. Et je voulais apprendre l'anglais. Pas pour l'idée jamais d'aller travailler à Londres ou en Amérique. Pas du tout. Très honnêtement, je ne me considérais pas avoir suffisamment de talent. Mais pour justement pouvoir bavarder avec des artistes qui viendraient à Paris, des Anglais, des Américains, et pour dire la vérité, flirter un peu avec certaines Anglaises qui ne m'auraient pas déplu, n'est-ce pas? Alors j'ai appris l'anglais pendant les 26 mois où j'ai été prisonnier. Je travaillais très sérieusement. Tous les soirs, j'apprenais toute une page d'anglais. Le lendemain, je faisais mes devoirs comme un gosse, n'est-ce pas? Mes devoirs d'orthographe. Et à la fin de ma captivité, je suis revenu à Paris. Je parlais anglais de la façon que vous entendez et je me faisais comprendre. Et je ne faisais pas de faute d'ailleurs quand j'écrivais en anglais. Mais je pensais que c'était simplement pour enrichir ma vie, pas du tout mon métier. Or, quelques temps plus tard, quand je suis revenu, on m'a demandé d'aller jouer à Londres dans une opérette, dans une revue opérette avec une grande artiste américaine qui s'appelait Elsie Janis. Comme ils ont vu que je parlais anglais, ils m'ont demandé à aller là. J'y suis allé là. J'ai bien réussi. On n'a pas cassé les banquettes, mais enfin, j'ai très bien réussi, très bien mal. Et cet anglais m'a servi, après ça, vers les années 26-27, quand il y avait tant d'anglais et d'américains qui venaient au casino de Paris. Tout d'un coup, je m'étais mis à chanter deux chansons américaines qui me plaisait, moi. Je bichais complètement à chanter. Je me régalais à chanter ces chansons-là, qui avaient des bonnes musiques, qui avaient de belles orchestrations, qui avaient du rythme et tout ça. Et ça avait du succès, même sur la galerie du Casino de Paris, qui ne comprenait pas l'anglais, mais ça lui plaisait d'entendre juste deux chansons chantées par un parigot comme moi, parce que c'était de belles musiques et de splendides rythmes, n'est-ce pas? Et un soir, c'est là où les choses du destin ont marché, il y avait le directeur du Paramount de Hollywood qui cherchait, c'était le début du cinéma parlant, 27, 28 par là, qui m'a entendu chanter mes deux chansons et puis qui m'a vu dans mes autres scènes, mes autres chansons françaises et tout ça, qui est venu me voir dans ma loge et qui m'a demandé si ça m'intéresserait d'aller à Hollywood pour faire des films parlant et chantant. Je savais pas ce qui m'arrivait. Moi, j'ai dit, ben, si vous croyez que je le mérite, moi, j'irais bien essayer. Moi, je ne suis pas sûr que... Vous avez des bons hommes comme Al Jolson, vous avez des chanteurs extraordinaires là-bas, et je ne sais pas ce que moi, je pourrais faire. Ben, il m'a dit, écoutez, on va faire une chose, on va d'abord signer pour un film, en me payant très bien, pour un film, et puis si ça marche, eh ben, nous prendrons une option pour plusieurs autres films après. Et ça a marché. Et c'est ce qui est arrivé. Même avant que je finisse le film, simplement en voyant les rushes, ce qu'on appelle les rushes, c'est-à-dire les bouts qu'on a fait la veille, n'est-ce pas? Là, la direction du Paramount m'a demandé, voulez-vous signer avec nous un contrat de plusieurs années? Parce que maintenant, vous ferez plusieurs films par an. Enfin, tout d'un coup, je venais encore de réussir une chose extraordinaire sur laquelle je ne comptais pas. Et c'était tout de même d'avoir appris l'anglais simplement pour me distraire, qui donnait un tour pareil à ma carrière. Maurice Chevalier, vous n'en finissez pas d'ailleurs de réussir. Ben, j'essaye de rater le moins possible. Ça finit par être banal. C'est humain, ça, non? C'est humain. Mais enfin, ce qui m'intéresse le plus maintenant, je suis absolument habité de cette idée-là, c'est justement à 82 ans de prendre une nouvelle carrière, une nouvelle direction, et actuellement d'être encouragé par tout ce qu'il y a de plus talentueux dans ce monde-là, en France et même en Amérique. Dans votre livre, Môme aux cheveux blancs, vous dites un certain Môme moment... Môme à cheveux blancs. À cheveux blancs, oui, pardon. Blanc. Blanc, oui. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, vous dites blond ou blanc? Non, blanc. Ah, blanc. Blanc. Parce que vous dites blond et ça fait un peu blanc, hein? Non, blanc. Blanc. Hein? Vous dites, je dois me garder disponible pour la transformation finale. Est-ce la dernière révérence? Ben, je ne sais pas, vous savez, quand on a cet âge-là, on ne sait jamais quelle va être la longueur du chemin, n'est-ce pas? On commence à apercevoir des clins d'œil de la Dame Noire, n'est-ce pas? Mais enfin, j'espère qu'elle me laissera encore terminer ça joliment, parce que ça embellira encore mon histoire et ça encouragera encore d'autres gosses de faubourg à ne pas se croire trop inférieurs. Comment voudriez-vous qu'il fût ce dernier adieu, Maurice Chevalier? Est-ce que vous y avez pensé? Non, vous savez, on ne sait plus, ça. Ça dépend du destin. J'aimerais terminer en souriant, si j'ose dire. J'aimerais terminer en remerciant ce que le public a pu m'aider à devenir. Vous comprenez, j'ai même dit un jour en blaguant, mais dans le fond, si c'était possible, je le ferais bien. J'avais dit que j'aimerais mourir à la télévision, devant le monde entier, pour pouvoir dire au revoir à tout le monde et merci, et leur souhaiter à tous bonne chance. Si c'était possible et qu'on sache exactement le moment où on va tourner de l'œil, je crois que j'accepterais de signer ça. Vous êtes un vrai comédien à la Molière. Je ne sais pas. Enfin, j'aime sûrement. J'ai adoré mon métier sur la scène. Je continue à avoir une immense gratitude au public et c'est justement pour tâcher de continuer le dialogue avec le public. Que j'écris comme ça, parce que je suis une bête à public. Maurice Chevalier, si l'on vous offrait demain le rôle d'un centenaire, un rôle de composition, bien sûr, vous l'accepteriez ? Si c'était un centenaire, ou un octogénaire, ou un nonagénaire, qui est ma façon de voir, et que le film repose sur lui, mais qui a une belle histoire à faire comme ça, je le ferais avec plaisir, si j'ai confiance et dans le producteur et dans le metteur en scène. Je ne voudrais pas risquer de faire une chose inférieure maintenant parce que je trouverais ça inintelligent de ma part. Mais si je crois au film, si le bonhomme est de mon caractère et de ma façon de voir les choses, eh ben je pense que ce sera encore une chose très bien à faire. D'ailleurs, on parle depuis 20 ans d'ailleurs à Hollywood. Depuis 20 ans, ils parlent de faire l'histoire de ma vie. Et si ça ne se fait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pu se mettre d'accord et être convaincus de l'artiste qui pourrait avoir vraiment l'air de Maurice Chevalier de 18 à 60 ans. Vous voyez qui, vous ? Ben, moi, j'avais parlé de plusieurs artistes français. J'avais parlé de Sacha Distel, qui est très charmant, qui a du talent, qui est la grâce même, qui est beau, qui est même beaucoup plus beau que je n'étais, mais qui est très intelligent et tout ça. J'avais pensé à un moment à Jacques Charrier, qui avait quelque chose de ma façon d'être, à qui j'aurais pu montrer comment je chantais les chansons et tout ça. Mais après ça, je ne sais pas, ça n'a pas eu l'unanimité des gens qui voulaient faire l'histoire. Ils ont peur que ce soit encore trop vivant, en vue pour les gens, comme si j'étais encore sur la scène, pour faire un chevalier qui ne serait pas tout à fait aussi simple et aussi robuste dans sa manière directe, n'est-ce pas ? Mais ce film, Maurice Chevalier, vous voudriez le voir quand même. Je voudrais le voir s'il était bien réussi. Si on trouvait un gars, on a parlé dernièrement de Warren Beatty, qui a beaucoup de talent, mais qui a l'accent américain et qui a beaucoup de talent et qui... Mais ça ne se décide pas, et c'est la raison, ils me l'ont dit, si on trouve le bonhomme de qui on soit assuré qu'il va réellement faire croire que c'est vous pendant de 18 ans à 60 ans, le film se fait immédiatement. Alors je serais heureux que ça se fasse si ça doit être très bien fait, parce que si c'était pas très bien fait, il vaut mieux que ce soit après. Ça me ferait de la peine jusqu'au moment de mon... Ça risquerait de gêner mon dernier sourire, vous comprenez ? Maurice Chevalier, on dit, et je crois que c'est vrai, que vous êtes immensément riche. Et il y a une blague qui veut que l'on pense que vous tenez terriblement à cet argent. Oui, écoutez, vous savez, ça, c'est vraiment un genre de salade qui date et qui montre que c'est bien long à faire comprendre qu'on est généreux, parce qu'il se trouve tout de même que je ne suis pas pauvre, c'est une affaire entendue, qu'il y a des gens dans le show business en Amérique qui sont bien plus riches que moi, mais que par-dessus le marché, aucun artiste n'a fait le centième de ce que j'ai fait pour mes vieux camarades. Je le sais. Aucun artiste n'a donné une propriété qui vaut plusieurs centaines de millions que j'avais dans le Midi et que j'ai donné à la Société des auteurs pour qu'aillent s'y reposer les auteurs et les compositeurs qui ont besoin d'un peu de repos, tout ça. Chez moi, on sait très bien que je ne suis pas près de mes sous du tout. Parce que je suis le contraire. Alors ceux qui disent ça sont déjà des gens qui sont même pas au courant de ces choses-là et qui disent des bêtises, tout simplement. Maurice Chevalier, est-ce que vous êtes doué d'un sens politique ? Oh non, je trouve... Tenez, là, vous touchez quelque chose de terriblement précis chez moi. Je trouve que Je ne sais pas les autres, je ne critique personne. Chacun arrange son histoire comme il pense le mieux valoir. Mais moi, je pense que quand on fait un métier comme le nôtre, ça vous prend déjà tellement d'essayer de le faire aussi bien que les meilleurs que vous n'avez plus la place dans le cerveau pour faire de la politique, pour travailler la politique, pour être au courant de tout, pour lire tout ce qui se raconte en politique. Je pense que notre métier à nous, dans mon cas, les autres font ce qu'ils veulent, c'est leurs oignons. Dans mon cas, moi, je pense que je n'ai qu'à m'occuper du public et que dans le public qui m'a fait vivre, il y avait des gens de tous les partis et que dans ce cas-là, je n'ai pas à m'occuper de vouloir indiquer à des chefs d'État comment ils doivent mener le pays et tout ça. C'est pas mes oignons, je n'y comprends rien. Je pense que les gens qui jouent leur vie et leur honneur risquent déjà tellement en ne faisant que ce métier de politique, mais que ceux qui ont à travailler feraient mieux d'essayer de faire mieux leur travail que d'essayer de continuer à faire de la politique. Mais vous avez des idées, Maurice Chevalier. Vous seriez plutôt un conservateur ou un révolutionnaire ? J'ai jamais été révolutionnaire dans aucun sens. J'ai toujours pensé que le plus on pourrait améliorer le sort des bons ouvriers qui travaillent, le mieux ce serait dans mon esprit. Mais j'ai connu aussi des patrons qui étaient des grands bons hommes. Je connais plusieurs patrons qui sont peut-être beaucoup plus politiques du côté gauche que je ne le suis. Moi, je ne fais pas de politique. Mais il est évident que mon cœur va du côté des gens de Faubourg. C'est tout naturel. Maurice Chevalier, vous croyez avoir des ennemis ? Moi, je n'en connais pas. Oh, si. Rien que de durer vous fait des ennemis. Rien que de durer trop longtemps agace des gens, n'est-ce pas ? Ça n'agace pas les grands. Les grands, ben, ils admettent, ils disent, ben oui, c'est bien, c'est authentique, c'est vrai, c'est bien. Mais il y a des gars qui sont pas tout à fait des grands et que ça agace, alors qu'ils essayent justement de vous faire mal avec des histoires comme les histoires d'être avare ou des trucs comme ça qui sont des choses ça absolument... Ça vous touche, hein, ça, Maurice ? Ça me touche pas, c'est une injustice, mais c'est une injustice minable et qui prouve que la personne qui sert de ça maintenant n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Maurice Chevalier, est-ce que vous vous reprochez de méchantes actions ? Ben, il y a certaines choses que, si c'était à refaire, je n'en referais pas, certainement. Mais enfin, je n'ai pas à me rappeler quelque chose qui puisse me faire honte jusqu'à la fin de mes jours. Non, non, non. Il m'est pas toujours arrivé d'être très fier d'avoir réagi de telle ou telle manière dans certains cas. Mais enfin, je crois que tout de même, j'ai été un des moins moches de tous ceux que j'ai vus agir autour de moi. Maurice Chevalier, c'est-à-dire que dans une deuxième vie, votre personnage ne mériterait pas d'être retouché. Vous êtes bien comme vous êtes. Je suis comme je suis et j'espère justement y revenir encore plus près, c'est-à-dire revenir encore plus près de mes racines. J'ai à cœur maintenant d'être à la hauteur de la fin ou de l'amélioration de l'histoire de ce petit môme de Faubourg. Maurice Chevalier, nous avons passé 60 minutes ensemble. Je me réjouis de vous avoir accueilli, car pour tout le monde, vous êtes un très, très, très grand personnage. Vous êtes un homme sincère et en plus, vous savez être un ami. Je vous dis merci. Enfin, je suis content d'avoir bavardé avec vous de cette manière-là, parce que c'était agréable, facile, et j'ai eu l'impression d'envoyer mon cœur à travers le micro. Merci, Maurice Chevalier.